fait la petite Claire dans le film. Elle se fait ça d'amuser. À 34 ans, j'avais tout fait avec les femmes, tout essayé. Les fantasmes les plus fous, mais aussi les plus ribous. Arrivé à certains manques d'excitation, j'ai dû faire preuve d'une grande imagination. Des grosses partous, j'en suis revenu. Je dois l'avouer, quelque peu déçu. Je lève comme ça, gentil pépère. Pourtant je suis un gros pervers. Instituteur d'école primaire, ne vous fiez pas trop à mon air. J'étais pété pour voir ce que ça faisait. Me faire enculer, à force à m'énerver. Je reste insatisfait et sur ma faim. J'ai même fait ça avec mon chien. À l'école, les filles m'excitaient. Pour des bonnes notes, elles me suçaient. Les petits garçons venaient me branler. C'est pas ma faute, commissaire Maigret. J'ai l'air comme ça, gentil pépère. Pourtant je suis un gros pervers. Instituteur d'école primaire, ne vous fiez pas trop à mon air. Je suis comme ça, un peu pervers, avec plein d'idées, pas très très claires.